chez moi. Prends ton temps dehors chez moi. La nuit nous attend. Et le lendemain, toi et moi on s'en ira. Ma chérie, ma femme, oh, on s'aimera. Dors chez moi. La nuit retient-la. Dors chez moi. Ferons l'amour trois fois. Hey, au matin, toi et moi, on s'embrassera. Hey, au petit matin, oh ma chérie, ma femme, au marché, on ira. Je t'achèterai une petite robe qui ne tira pas, qui ne tira pas. Et mon petit frère, on le gardera. Ta chewing-gum, on le nourrira. Chez moi, papa, papa, papa, dors chez moi, même si tes parents ne veulent pas de moi. Et l'après-midi, nous aurons plein d'amis. Et l'après-midi, ma femme, le rock'n'roll est roi. Dors chez moi.